encore un peu de moi. Et ton envie si pressante. Encore un peu de moi. Oui, cela me tente. Dans ces moments-là, où c'est l'amour qui est roi, dans ces moments-là, il n'y a plus que toi et moi. Encore un peu de moi. Je ne sais plus attendre. Encore un peu de moi. Que tu vas me prendre. Encore un peu de moi. Au creux de ton ventre. Dans ces moments-là, où c'est l'amour qui est roi, dans ces moments-là, il n'y a plus que toi et moi. Encore un peu de moi, que tu emportes. Encore un peu de moi, que tu emportes.